Les enfants, je voudrais vous parler. Dites-moi, qui a entamé la bouteille de vodka au frais? Dites-moi qui c'est. Il ne fallait pas la toucher. Elle était pour les invités. Maintenant je peux crever. Mais avant, dites-moi qui c'est. Est-ce toi Prosper, toi Saturnin, toi Proserpine, toi Séraphin, ou Hippolyte, ou toi Léandre, toi Perceval, ou toi Lothaire, toi Soisic, toi Odilon, toi Cunégonde, toi Philothée, toi Andromède, toi Clitorine, Orion, ou bien ton frère Kevin, ouais, dites-moi qui c'est.